Fabio Mazzetto. Mazzetto. Eh bien, seigneur, je suis un fourbe, un homme sans parole, un homme sans honneur. Fabio. Tu es le plus vertueux des mortels. Mais tiens, prends cette bourse et laisse-moi seul. Mazzetto. Vous avez l'air contrarié. Fabio. C'est que le bonheur me rend triste. Il me force à penser au malheur qui le suit toujours de près. Mazzetto. Peut-être avez-vous besoin de votre argent pour jouer au lansquenet cette nuit. Je puis vous le rendre et même vous en prêter d'autres. Fabio. Cela n'est point nécessaire. Adieu. Mazzetto. Prenez garde à la jettatura, seigneur Fabio. Il sort. Fabio seul. Je suis fatigué de voir la tête de ce coquin faire ombre sur mon amour. Mais Dieu merci, ce messager va me devenir inutile. Qu'a-t-il fait, d'ailleurs, que de remettre adroitement mes billets et mes fleurs, qu'on avait longtemps repoussés? Allons, allons, l'affaire a été habilement conduite et touche à son dénouement. Mais pourquoi suis-je donc si morose ce soir, moi qui devrais nager dans la joie et frapper ses dalles d'un pied triomphant? N'a-t-elle pas cédé un peu vite, et surtout depuis l'envoi de mes présents? Bon, je vois les choses trop en noir, et je ne devrais songer plutôt qu'à préparer ma rhétorique amoureuse. Il est vrai que nous ne nous contenterons pas de causer amoureusement sous les arbres, et que je parviendrai bien à l'emmener souper dans quelque hôtellerie de Chianéa. Mais il faudra être brillant, passionné, fou d'amour, monter ma conversation au ton de mon style, y réaliser l'idéal, que lui ont présenté mes lettres et mes vers. Et c'est à quoi je me sens nulle chaleur et nulle énergie. J'ai envie d'aller me remonter l'imagination avec quelques verres de vin d'Espagne.